Et pas mal le son de guitare là. In Spiritus Sanctus, Amen. Notre Père. Il est temps, mes chers frères, de bénir le pain et le vin et de prendre un morceau de camembert. Amen.